voudrais perdre la mémoire, te rencontrer une seconde fois et te dire au revoir. Avoir un rendez-vous dimanche, le cœur battant en déguisant ma voix, sans montrer patte blanche. Recommencer de la même façon et te chanter ma première chanson. Ne plus jamais penser, ne plus jamais penser, vivre sans passer. Je voudrais perdre la mémoire, jouer ma chance une seconde fois pour te connaître mieux. Apprendre ton nom, ton adresse, renouveler nos maladresses, interroger. Trouver pour un partage dans ton soleil, dans ton nuage. Ne plus jamais penser, ne plus jamais penser, vivre sans passer. Je voudrais perdre la mémoire.